You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et St. Paul. En ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Bonsoir. Bonsoir Adrien, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein? ça va et toi? Ben ça va plutôt bien. You know, staying home, working from home and making sure that, you know, everybody's safe and oui. Stuff like that. So it's pretty quiet because I don't want to go out and be pretty hectic. I have the chance to be able to work from home, so I'm very grateful for that. Excellent. It's good. It's true. It's important these days to be grateful, right? I would say so. And tonight I prepare a special show for a recap of 2025. That's perfect. That is great. That is a tradition, actually. Yeah. Something that's done usually early in the year, and it's always fun. It's nice to hear new sounds, different, you know, or remember some of the musics that we listened to last year. There's some that we did listen to. There's some that we didn't. Good. And so I went through a list. That was a list of the single that were number one during the year, and sometimes just for a week, sometimes like several weeks in a row. Sometimes they were like number one for a while, then they disappeared, and then they came back. Then another list of the number one sales of albums, because there's a lot of artists like, so the singles are more like rhythm and blues and rap and, you know, modern pop and things like that, where some of the artists that are like more established are doing better on album sales than really singles. So I wanted to make sure that they were all represented and download online. So it's a mix of that. There's no specific order because I didn't want to bother, like, okay, who has the most and whatever. Yeah, I put the ones I like too. So I see a lot that I like too and that I've listened to, and I'll be very happy to listen to again. Yeah. So one that I've never played here yet is the first one we're going to listen to. It's a song that's interpreted by Vianney, and it's a song from Leonard Cohen. Yeah. And it's Hallelujah. Yes. And this song was sung in the reouverture of Notre Dame. So when Notre Dame reopened the very first night, there was a big concert and there was like all the big shots, including the French president. And so there was a lot of different artists. And I was planning on like playing some of them. I haven't got around to do that, but I at least got Vianney with Hallelujah. So this song is completely in French. I don't know who translated it, but it was completely translated. It's not like a mix and match. And it's a great interpretation. It was really touching. Is it the live version or did he record it? Do you know? I believe this is the live version I have. Awesome. So then we're going to listen to a duo with Andrea Bocelli and Kenji Girac. Oh. And I know that's the song that you really like too. J'adore cette chanson. So Je vis pour elle. Yeah. And we listened to it recently, but with a different artist. Remind me who it was. It was Hélène Ségara. Hélène Ségara, yeah. Ouais, Hélène Ségara is a French version, actually. This is I love Andrea Bocelli, but he has this song. He has been able to sing in different languages, right? Mm-hmm. And so for the French singer that was picked to accompany him was Hélène Ségara. Okay. Beautiful. Well, that's going to be with Kenji Girac, because that's the one that was on top of the sales. Very nice. And then we're going to listen to Bertrand Belin with Berger, and it's from his album What, that came out in 2025. So we're going to start with that, and we'll come back, and we'll talk about more songs. Très bien. On y va? C'est parti. Donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après les froids, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ces accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle me dessine après. Arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique certains jours. Quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours. È una musa che ci invita. per lei lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Je serais perdu sans elle. Vivo per lei dentro gli hotel. Je suis triste et je la perds. Vivo per lei nel vortice attraverso la mia voce si espande che amore produce. Je vis pour elle, je n'ai rien d'autre. Et combien vais-je en rencontrer qui comme moi l'ont écrit sur leur visage. Je ne vis je ne vis que pour elle. Sopra un palco contro un perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Et la musique et la diselle, elle m'a donné la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe par elle. Vivo per lei la musica. J'existe pour vivre elle. Pour elle est unique. Elle est toi et moi. Je la vivo pour elle. Je vivo. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou. Bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. Fait berger, berger. Il pleut. Il pleut. C'est l'ondé. Il sera tout mouillé. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. Peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou. Bonjour la terre anglaise. Berger, berger, berger, berger. Support for KFAI comes from First Avenue, presenting Anna Devine at the 7th Street Entry Friday, January 30th. After singing with groups like Shoots and Aiden Intro, singer-songwriter Anna Devine steps into the spotlight on her own. They take the stage with their latest release, Seeing the Trees for the Leaves. Their music is reminiscent of other alternative folk artists, nostalgic, hopeful, sometimes melancholy, but always Anna Devine. Opening the show is Walker Ryder and Lily Blue. More information about Anna Devine at the 7th Street Entry is available at first-avenue.com. Support for KFAI comes from The Dakota, presenting Alfredo Rodriguez and Pedrito Martinez Tuesday, January 27th. Pianist Alfredo Rodriguez embodies the sound of Miami, blending Latin pop, timba, salsa, tango, and bolero. Percussionist Pedrito Martinez comes from the world of Afro-Cuban folkloric and rumba. Together, their interplay creates a sound that's larger than the two of them. They're touring with their latest release, Duologue. More information about Alfredo Rodriguez and Pedrito Martinez is available at dakotacooks.com. Et voilà, voilà. We are back. Indeed, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie and Adrian. Yes. Voilà. And we should see Antoine like back one of these days, you know, maybe in February or something like that. And we listened to three songs. Indeed. The first song was Vianney. Yeah, the first one was Vianney. It was the Alleluia, and it was the live at Notre Dame de Paris. Mm-hmm. And that was a very, very great version. Would you like it? Yeah, his voice goes really well for this song. And then we listened to Andrea Bocelli and yes. Kenji Girac. And Kenji has a voice. That's such a beautiful interpretation. Yeah, he has the song. He has a good voice. He has a very nice voice and very warm too. Mm-hmm. You know, very like, I don't know. We know he's coming from the South and he's very like warm and stuff. And then Bertrand Belin with a new album called What? And the song was Berger or Shepherd. Right. And we're going to keep doing that the whole night until 10 p.m., I guess. Yeah. Oh. I'll probably get going earlier than this tonight. But that's okay. I'll hold on the fort. Yes, I know. Until Balkan Jamboree. Until Nikolai gets here. Yeah. So if you just catch us, we are listening to all the number one either singles or album from 2025. Or they've been number one at some point in the year. Not necessarily all the time, but so there are recent songs. And we're going to listen to the first song we're going to listen on this series of three is Amel Bent. Ah oui. And it's coming from her album Minuit Une, or Midnight and 1 Minute. Pourquoi tu restes? Mm. Why are you staying? That's often a good question. I'm not. Yeah. I'm taking off. Then we're going to listen to Bleu Soleil and Louisa. With the so Bleu Soleil is the name of the band saying Blue Sun, but the name of the song is Soleil Bleu, and it means sun blue. So oui, that was a beautiful song, and that was a summer hit in France. And I got the EP, and it turns out that Bleu Soleil, it's a reggae band, kind of. And the song with Louisa is, I mean, it's just like an EP, so there's only four songs. But the song with Louisa is not necessarily typical of what they do. I mean, they do more like ragamuffin and reggae, and it's cool. I like him. Yeah. But it's more instrumental. That is great. Yeah. With the voice of Louisa, that's pretty great. Yeah. She's got a great voice. Beautiful song. Yeah. And Marine, just Marine, it's her name. And the song is called Ma Faute, or, My Fault. And it's from her album, Cœur Maladroit. Clumsy Heart. Mm. And I saw a quick interview of her recently, and she has a very strong northern accent. Really? Yeah, English tea. Oui? C'est vrai? And she says, she's right, he doesn't really show or hear when, you don't really hear it when she sings, but when she talks, you hear it way more. And she said, some people think, I'm a Chartier. There we go, so Marine. That's funny. That's hilarious. All right, on y va. C'est parti. Pourquoi tu restes? T'as bien retourné ta veste. Tu me dis même plus je t'aime. Ça se voit que tu me détestes. Alors pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Elles sont loin des promesses. Et si c'est pour les enfants, t'inquiète, ils sont déjà grands. Si c'est pour eux que tu restes, je me demande où ça nous mène. J'apprends chaque jour à faire sans toi. Mais t'es là. Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment. Tu restes pour mieux me laisser peut-être. On se croise dans les couloirs comme dans un hall de gare. T'attends le temps qui reste. Je me demande où ça nous mène. J'apprends chaque jour à faire sans toi. Et t'es là. Dis-moi pourquoi tu restes. T'étais vraiment honnête. Tu me dirais, je suis pas heureux. Vaut mieux s'arrêter, nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Tu vois bien que ça me blesse. Faire semblant d'aller mieux, mais c'est la fin du jeu. mon histoire, laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands, je marchais sans fin. Je veux vendre l'horizon, j'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Mon verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. La nuit est calme, sans le son de ta voix. La hausse, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes, celles qui restent après tout le vacarme. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Bien ma faute. Parfois je ne te suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma fait perdre celle que je pensais si forte. Mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent. Ce sera plus jamais ma faute. We are back. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, Community Radio, listener supported. Absolutely. And this is Freddie. And Adrian. And we listened to three songs that were sometime on the top one of 2025. And the first song was from Amel Bent. Ah oui. Et it was Pourquoi tu restes? Why mm-hmm. are you staying? Mm-hmm. And it's kind of a relationship that's not going too it's well. It's a sad song. It's a really and, sad song. Yeah. And so, yeah, she's asking why are you staying? You don't like me anymore, blah, blah, blah. Then Bleu Soleil. With the song Soleil Bleu. That's a really happy song. Yeah, it is. It is very stival. And then it was part of Star Academy. It was Marine with Ma Faute. It's My Fault. And yeah, very nice version of it. And yeah. I mean, it's her first album. And it's cute. The album is very nice. It is. And we're going to keep on going. So Florent Pagny. Ah oui. Well established. Oui. Has a new album called Grandeur Nature, you know, real size, and that's the name of the song, Grandeur Nature. And then we're going to listen to a duo, Jack and Carla, with M'envoler from their album Oxygène. They're brand new, no idea knew them before, but they came up with this big success, and good for them. And then another one who's also well-established, it's Vanessa Paradis. And she also really? Came with a new album in 2025 called Le Retour des Beaux Jours. The Nice Days Are Back. Mm-hmm. Usually we say that like in the spring. And the name of the song is Bouquet Final. Oui. The final bouquet. Bouquet. Mm-hmm. Yeah. All right. On y va? Très bien. Allez. J'ai toujours fait l'Indien, j'ai toujours fait le mur, j'ai toujours fait l'Indien, fendu l'armure. Et puisque tout doit disparaître, un jour dans la vitrine du temps, je n'ai jamais cessé de naître, d'aimer la vie en grand. J'allonge ma foulée du matin jusqu'au soir, pour toujours délier le lierre de ma mémoire, pour ne jamais oublier de traverser la vie avec humilité, fidèle à qui je suis. Grandeur nature, on est si près de soi, quand on marche en silence, on est si loin de soi, par intermittence. Promeneur solitaire, derrière l'or et des villes, j'éprouve ce mystère d'un bonheur indocile. J'allonge ma foulée du matin jusqu'au soir, pour toujours délier le lierre de ma mémoire. mémoire pour ne jamais oublier de traverser la vie avec humilité, fidèle à qui je suis. Grandeur nature. Au détour d'un lacet, l'écho d'un rire d'enfant, je me suis retourné, ce n'était que le vent et les rumeurs joyeuses d'un lunaparc au loin, les autos tamponneuses. Voilà, je me souviens. Du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. S'assombrir si nous arrose, j'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler, m'envoler, m'envoler. Dernier regard, dernière fleur, l'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nom meilleur, s'abandonner, faire fuir nos peurs. Que nos mémoires effacent ces heures passées à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. Mon volet, mon volet, mon volet. secret n'aime pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte glissée, l'encre bleue me dit que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final. C'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom à pair, ruban satiné. Sans vouloir jeter de fleurs, y'a mes sentiments dont j'aime t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y aime plus le cœur. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. Fais pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est, mais plus le cœur. That was a very abrupt ending to a beautiful song from Vanessa Paradis. Indeed. What did we listen to, Fanny? Well, the first song we listened to was from Florent Pagny with Grandeur Nature, a real size. And after that, it was Jack, and it was M'envoler. Ah oui. And like then it was Vanessa Paradis with Bouquet Final. And yeah, it was pretty... It was punchy, just like she is. Yeah. She's so cool. Yeah, she is really cool. And we're going to keep on going with like the number ones of 2025. We're going to listen to Gaëtan Roussel. Ah oui. Mm-hmm. Who's the lead singer of a band called Louise Attaque. Oui, oui, oui. He was also the lead singer of a band called Tarmac. Oui. With some of the band members of Louise Attaque, but not all of them. And he sounded pretty different too. So okay, and Gaëtan Roussel, and he's done like at least two or three albums like solo. So we're gonna listen to "Je Reste Là," I'm staying here, and it's from her album. It's from his album Marjolaine. Then we're gonna listen to Charlotte Cardin, and she's everywhere and anywhere. Amazing, yeah, she's great. Someone was complaining like not long ago, like that she was everywhere, you know, like all the TV shows and not TV shows, but like the entertainment shows and things like that. And here we're gonna listen to a song called "Tant pis pour elle." That's too bad for her. And it was the illumination of the Champs Élysées. So Champs Élysées is the biggest avenue. In the very prestigious avenue in Paris that goes in between the Arc de Triomphe. I think everyone knows the Champs-Élysées. And La Concorde, yeah. No, not everyone knows. The Champs-Élysées. Yes. Champs-Élysées. They illuminated the avenue just at Christmas time. Yeah. I mean, it's always lighted, but there was like the Christmas decoration and stuff. And they had a concert. and so they had some artists, and she was singing there. And then we're going to listen to Feu Chatterton, oui, with Allons Voir, and it's part of their new album for this year. So I really like Feu Chatterton. Mm-hmm. And they've been singing with other people too, the main singer, and that's pretty cool. Yeah. Yeah. All right. On y va? C'est parti. Le regard dans le vide, parfois le nez en l'air, c'est le hasard qui me guide depuis hier. Je ne sais plus qui décide, la peur ou la colère, et l'envie en moi réside de laisser faire. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire, et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois. J'ai devant moi l'horizon, j'avance sans avoir une idée de direction, je m'égare. On est parfois de l'argile, juste un grain de poussière. Tout est, c'est vrai, si fragile, éphémère. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire, et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Et tu emportes pour la dernière fois, c'est bien pire dans ton cœur qui bat. Oui, tu emportes, c'est vrai, cette fois notre avenir, et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu es n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux, et toi le Dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu es n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux, et toi le Dieu de mon ciel. Finis ce bordel, hésitation à terre, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes, tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système, je la vide de tes veines, jusqu'à ce plus rien de la peine. Regarde mes lèvres qui invitent les tiennes, c'est notre lune de miel, et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux, et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Thank you. que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Voilà, voilà, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota, non-commercial, community-powered radio. Exactly. We listened to three songs, Freddy. Yes, indeed. So the first song was from Gaëtan Roussel with his new album, and the song was Je Reste Là. His new album is Marjolaine, like the first name. And then we listened to Charlotte Cardin with Tant Pis Pour Elle, and it was a live version when they lit up all the lights in the Champs-Élysées for Christmas. So it was early December. Very cool. And then Feu Chatterton with Allons Voir, Let's Go and See. All right, let's see. Yeah, they're pretty cool. So all these guys have been number one sometime in 2025. So it's a recap. Yep. Next week we'll do a recap of the people who left us and a little bit of the events, whether it's like you know, political or pop or sports. So we'll see. Hey, we had a president. There's a lot going on. We had a French president going to prison last year. That's right. And he wrote a book too. Yeah, he did. And so we're going to talk a little bit about the events coming up. Yes. Tomorrow from 7 to 8 p.m., there's Les Navigateurs de la Littérature. So it's going to be January 14th. And it's a book club, blah, blah, blah, book club. But it's online. So the book that's going to be talked about is La Vie Heureuse by the French author David Fuenquinos. And so what I would recommend, if you're interested, is to just go to afmsp.org, events, and you'll see Les Navigateurs de la Littérature, January 14th. And yeah, you kind of register and you'll get the Zoom link, and that should be fun. And then the other event that's going to occur is the Altered States, The Beginning. It's an exhibit by Sophia Rose Nagberry, and it's happening at the Alliance Française. So it's 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And it is to celebrate Black History Month. The Alliance Française will host a colorful exhibit from Sophia Nagberry, who celebrates the complexity of Black existence through her work. So they encourage, I mean, the advantage of these exhibits. But the event is free. Yeah. You can go, and I mean, you know, they are never at capacity anyway. But so this way they know how many people are coming, and, you know, sometimes there's like, I mean, treats, like a little bit of things to eat or to drink. Yeah, and there was like galette. That's true. So afmsp.org, and then you can see some more details about the event. Mm-hmm. They are also on our Facebook page. So, and that's it for the event for today. Short and sweet. Yeah, okay. It was pretty quiet. And I think, you know, usually there's more and more events as the year proceeds, like especially when it's nicer and things like that. There's always some conversation groups everywhere. Just so you know, but for that, if you want to go to afmsp.org, you have a tab called Resources, and then there are some schedules of conversation groups. So some on Facebook, listed on Facebook, so you can communicate with some of the people, but some others you just need to show. So talking about the first people who are number one during 2025, there's a song from Lynn, so it's spelled L-I-N-H, and the name of the song is Je pense à vous, I'm thinking of you, and it's from her album Signé Lynn, well, signed Lynn. And then we're going to listen to Gims. Ah oui. And we're going to listen to his song Ni Nao, so that's, usually it's pretty uplifting, moving pretty well. Yeah. And then we're going to listen to a duo with Dizzy's and Theodora with a song called Melodrama. Or Melodrama. All right. Allez. On y va. C'est parti. And I will say goodbye. Good night. We'll see you next time. When you can. Yeah. And maybe next time. Yeah, it works. We'll have like next week another show about 2025. Good to see you too. I'll give you a big hug. The 27th, we're going to have a special show about immigration, and we'll have an immigration lawyer with us. Yeah, that's exciting. So that should be interesting. All right. And it's a special day, actually, of programming on that topic, I think, right? Yes, on it the is. 27th. It was scheduled from 6 to 8 p.m., and I told them, like, hey, I want to do something about it. So so we're going to be included, and that should be fun. Yeah, it's very interesting. I used to work also with some immigration lawyers, and it's a really interesting area. And I'm glad you invited some to come over. Or one, I know. That's good. So kfi.org if you want to see the schedule and things like that. But for us, it's that's what it's going to be. All right. On y va. C'est parti. Au revoir. Au revoir.

nanani ni na ro tani nani na ni na ro Blessé, BG, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau du Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne. Je pleine surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en un homme pas deux. Tu me donnes le but d'hiver. Je suis dans un étoilé mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied. Pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas. Ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine. Et voilà, voilà, this is Freddy, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And we just listened to three songs that were number one at some point in 2025. We listened to Lean with Je Pense à Vous, I'm Thinking of You. Really like her EP. Then Gims with Ninao. And just now it was Disease with Melodrama. And we're going to keep on going until 10 o'clock. We have more songs. We're going to listen right now. We're going to listen to Gazo with Nanani Nanana. Then Elena with Mauvais Garçon, or Bad Boy. And then Jean-Guy with A Tes Côtés, or By Your Side. All right. On y va. Bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanani, nani, nana. Faut que j'pense à moi avant de penser à nous. Y'a Y'a que allongé que je donne de l'amour. Et sans la monnaie, j'ai même plus d'humour. Tout comme toi, et je serai plus là un jour. Du mal, je te ferai. Et ça me déplaît. T'es mon secret dans mon gameplay. J'ai des jouets, j'ai mon boulet prouvé. Dans la gueule, rien pour tous les goûts. J'irai dehors parce que faut des sous. Non, je pourrais pas être présent tous les jours. J'ai mal, je sers que je me resserre. Barça ou Rotter, que des gros terres. J'suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an, un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanani, nanani, nanana. J'protège ton trône, Queen soit décontracté. Jusqu'à l'overdose, quand on se recontacte. Sous contrôle, hey, je sens que l'amour me frôle, hey, quand elle m'épaule. J'suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an, un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanani, nanani, nanana. Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sers à rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Et son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, et c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un. Mauvais garçon joue les tours, et moi j'apprends les lois de l'amour. Et j'y connais rien, et plus il me fait marcher et plus je cours. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Il faut que j'arrête de voir mauvais garçon. J'ai retrouvé l'amour de moi qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête. Le temps qui court, si demain m'appelait au secours, si mon cœur devient même lourd pour toi, je resterai pour toujours. L'horloge tourne autour de moi, tout est rose autour de toi, les étoiles défilent autour de nous. Je suis côté de l'est à l'ouest, sur tes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je la passerai à tes côtés. Je te lirai matin et soir, s'il le faut, et même jusqu'à ta. Même s'il devait s'arrêter, j'serai toujours à tes côtés. Les mots suffiront pas pour dire tout tout tout. Toi et moi scellés, j'me demande si pour toi j'donnerais pas tout tout tout. Si t'es ma consonne, laisse-moi être ta voix. Et écrivons toutes nos phrases au pluriel. Et si chaque page de notre livre était un poème, rendons l'histoire intemporelle. J'suis côté de l'est à l'ouest, sur tes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je veux la passer à tes côtés. J'te lirai matin et soir, s'il le faut, et même jusqu'à terre, s'il le faut. Dans le temps ne pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter, j'serai toujours à tes côtés. Just listen to three songs, and the first one was Gazo with Nanani Nanana, then Elena with Mauvais Garçon, and Jean Gulli with A Tes Côtés. And we're going to keep on going with some first of 2025. It's kind of a recap, so we're going to listen to Vita with Viens On Essaie, Come On We're Trying. Then Aya Nakamura with Désarmé, unarmed, I guess. And M. Pokora with Reflet. Allez, on y va. Je fais mon numéro. D'habitude, je me prends pas la tête. Là, c'est foutu d'avance. On arrête, on commence. Je sais plus ce que je fais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par le faire. Mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça serait chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Ooh. je le lance. Je crois que tu me plais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par le faire. Mêler de tes affaires. Oublie le tête-à-tête. Si je t'embête, ça sera chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Mon cœur a mal quand il est loin, mon âme pleure. Je t'ai pas rencontré plus tôt. C'est comme ça qu'il faut s'occuper de moi. Tu l'auras mis, quelle vitesse. Cette émotion en moi est vitale. Femme alpha, alpha, oméga. Dans la vie, je fais des tales. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi, ça coule de source. Mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Elle me rend petite, avec lui je suis d'humeur taquine. J'ai capté que j'étais piqué quand je maîtrisais pas du tout mes émotions. Non. Ce moment c'est trop méchant, oh my god, dépassé par toutes mes émotions. Y'a comme un souci, je suis sa bombe, pas son bord. Il sauterait pour moi dans tous les cas. Il aime ma poussière, à ce moment je peux sauter. L'endroit c'est pas du tout son souci. Mon chéri, viens me déguster. J'ôte à la bouche bien, bien déguisée. Sa tête que j'ai la vision. Et vas-y, viens, viens, viens, viens déguster. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi ça coule de source. Mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Il me rend petite, avec lui je suis d'humeur taquine. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Construit un monde qu'on a abandonné. Il suffit d'une seconde pour que tout parte en fumée. Si le cœur a raison, on a tous les deux tort. J'ai beau tenir les murs, y'a plus rien à sauver. T'as tout donné pour moi. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pourquoi. Comme avant, même tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je sais qu'il est trop tard, on peut toujours faire semblant, mais tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je fronce mes rêves, c'est où je cache mes regrets. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. Je fronce mes rêves, place où je cache mes regrets. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. T'as claqué la porte, t'avais raison, j'ai pas fait ma part. Dans ce jeu, je suis seul à perdre. J'étais pas celui que tu attendais. Hier encore, t'étais si près de moi. Tous les soirs, je me dis si seulement. Tout d'un coup, je me sens si seul au monde. Seul au monde. T'as tout donné pour moi. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pour toi. Tu me regardes plus comme avant. Même tout l'amour du monde pourra pas tout réparer. Je sais qu'il est trop tard. On peut toujours faire semblant. Mais tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. Je fronce mes rêves, c'est où je cache mes regrets. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. Support for KFAI comes from Crooner's Supper Club, presenting Billy McLaughlin with Nathan Wilson Friday, January 30th. New Age jazz acoustic guitarist Billy McLaughlin's career went from success to heartbreak due to focal dystonia, a neuromuscular disease that causes involuntary contractions. Undaunted, Billy rebuilt his career by teaching himself to play left-handed and now uses a two-handed tapping technique. He takes the Dunsmore Jazz Room stage to perform new solo compositions, accompanied by Nathan Wilson on mandolin and violin. More information about Billy McLaughlin is available at croonersmn.com. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting Jose Antonio Zayas Caban and Trace Chamber Music Trio with Miguel Zinon Friday, January 16th. Jose Antonio Zayas Caban and Trace welcome special guest Miguel Zinon to the Cedar stage. They'll be featuring selections from Pedacito de Tierra, a genre-defying work that blends chamber music, electronics, and oral histories from the Puerto Rican diaspora, plus works by Puerto Rican composers and music rooted in the rhythms of the Caribbean and the Americas. More information about Jose Antonio Zayas Caban and Trace with Miguel Zinon is available at thecedar.org. Et voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. This is Freddy. Bonjour Minnesota is a French show. We speak English to be broader, but the music is mostly in French, and we talk about French topics. Next week, we'll talk a little bit more of a recap of the events of 2025 and people passed and that sort of thing. So this week, it's all the number ones. So I took a mix of like singles and albums and downloads, and they all were number one at some point. So we just listened to Vita with Viens on essaie, Come on we try, with a new album from Vita called Charlotte. And if you recognize the voice who was with her, it was Julien Doré, who I really love. And then after that, it was Aya Nakamura with Désarmé, an arm. And then after that, it was M. Pokora with Reflet, or Reflection, in like more in a mirror sense. And, you know, he doesn't really like what he sees. So we're going to keep on going until 10 o'clock. So we have 25 minutes until Balkan Jamboree. We're going to listen to another song from Gims. It's called Appelle ta copine, and it's from his album Le Nord se souvient. The North is remembering. And Appelle ta copine is like call your girlfriend. Tell her to come. And then we're going to listen to Hamza with Dragon, or Dragons, featuring Oui Renoir. And we'll listen to Oui Renoir again next week because it's part of the people who passed in 2025. And then a new artist that we really like, Marguerite, and the name of the song is Les Filles, Les Meufs, the girls, the gals, and turns out that this song is about the fact that she prefers girls. So it's to its own, and it's a pretty cute song. So, all right, on y va, and keep on listening. Il faut du cardio, le sang chaud, ne pas prendre de décision à chaud. Warano, il y en a sous le capot, j'ai l'anneau. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Je verrouille la cible, t'étais sur la liste. Encore un son qui fait danser les racistes. Ce soir je suis libre, v'là l'antagoniste dans le Ferrari Pista. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Te fais pas de pile, on va faire un deal. Montre-moi ce que t'es prête à faire pour la team. Ta beauté fascine, avec ou sans fossile. La jeune homme patiente, dis-moi c'est quand qu'on signe. 1, 2, 1, 2, je crois qu'on a touché la cible. En plein dans le mille. Je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Y'avait personne dans ma vie à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Mon respect n'a pas de prix, c'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie, tellement je fume le marron. Tu peux me rayer de ta vie, j'ai cramé tes lettres d'adieu dans le feu. J'connais les règles, j'connais bien le jeu. J'oublie mes peines avec un peu de peu. Un nouveau blême, une nouvelle solution. Envoie les blows, arrête les allusions. J'suis dans les éditions, la production. Sa bouche et ma tête rentrent en collision. L'alcool et la ganja circulent dans mes veines. Encore une chaîne, même si j'ai trop de chaînes. Combien de hops on a mis dans les wenches? J'dépense un quart de milli dans le linge. Fais baiser mes steaks, elles font des baby steaks. Pourquoi mes ex sont jalouses de mes sexes? Malgré la sanson, je n'ai jamais flex. Un milli, deux milli, j'les mets sur le texte. Elle veut du Louis, Gucci, Fendi, Prada. Elle aime les pires, elle aime la Lady Gaga. Depuis mes 12 ans, I was on the shit. Ces haines, leurs bouches sont vraiment pleines de shit. Va sécher tes larmes, va refaire de la moularin. J'allume les steaks, j'allume les tarantoulas. Elle découpe la dope, elle la met dans les silos. Puis j'appelle Fernando pour un nouveau kilo. Y'avait personne dans ma vie, à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Mon respect n'a pas de prix. C'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie. Tellement je fume le marron. Y'avait personne dans ma vie à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche. J'ai brisé son cœur dans le salon. Mon respect n'a pas de prix. C'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie. Tellement je fume le marron. Je suis trop parano. Un peu de fioul, un peu de fille qui me prend pour un baron. J'fais pas l'ancien, mais j'suis en down. J'vois des ennemis à 1h30. J'sors un S3, j'sors un Z1000. J't'envoie des talons. J'esquive le ballon, j'joue pas au ballon. T'en as dans le nez, on est dans ça. Moi j'suis dans le sas, de ses grosses fesses. Elle va tout boire. Elle a tout bu, pas de grossesse. Vu sur un lagon, 2 litres de bœuf. J'crache du feu, comme un wagon. Comme un dragon. Comme un wagon, comme un dragon. Elle veut le beurre, l'argent, du beurre et le crémier. Elle veut pas l'honnête, mais c'est lui qui a crémé. Elle aime ceux qui transportent beaucoup de shit. Les trains de vie croustillent comme paquet de chips. Elle sèche ses larmes sur les peaux d'une grosse moula. Elle tape la pose, elle est cambrée sur la pix. Elle veut un mec qui fait du rap ou des drips. Qui fait plein de bleu comme l'éclipse. Y'avait personne dans ma vie, à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Mon respect n'a pas de prix, c'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie, tellement je fume le marron. Y'avait personne dans ma vie, à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Mon respect n'a pas de prix, c'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie, tellement je fume le marron. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, bagarrer, bagarrer. Et qui s'empêchent de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux. J'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler. Ils m'entendaient jamais pleurer. C'est pour eux c'est compliqué. Et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et voilà, voilà. This is Bonjour Minnesota on KFI Radio. This is Freddie. Adrian left us, but he'll come back eventually. We listened to three songs that were number one at some point. In 2025, we listened to Gims with Appelle ta copine, then Hamza with Dragon, and then just now was Marguerite, which means Daisy in English, with Les Filles, Les Meufs, well, the girls and the gals. And we're going to keep on going for another 15 minutes. We're going to listen to people we already heard because they got number one several times. We're going to listen to another song from Charlotte Cardin. Her song is Feel Good, and it's from her EP Une Semaine à Paris, A Week in Paris. And then Florent Pagny from the same new album Grandeur Nature, but here we're going to listen to the song T'aimer Encore, to love you still or again. And then Marine with Cœur Maladroit, and it's the name of the song, but the name of the album as well. So Cœur Maladroit is, yeah, Clumsy Heart. All right, on y va. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away and now I'm back to you. C'est terrible. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes, je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli, je veux bien trembler, je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai le temps de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants, des enfants dans des courses folles et leur parler du bon temps en espagnol. Oh bon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la peur de la mort. Je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu. Que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Et je reste là. Oui, je reste là. Je reste là pour toi. Je veux t'aimer encore. Je veux t'aimer encore. Qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu. Que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease. Que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mois de d'emploi pour une, toi et moi. Mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra. S'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite. Mon amour et mon karma. J'ai le cœur. C'est plutôt raisonnable, sauf quand je pète un câble. Merci pour les fleurs laissées sur la table. Et si je les abîme, c'est parce que j'ai le cœur en zone inondable. Mais si jamais tu insistes, je t'emmènerai sur la piste sans savoir danser. Commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mois de d'emploi pour une, toi et moi. Mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra. S'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite. Mon amour et mon karma. J'ai le cœur. Et voilà, voilà. So, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. This is Freddie. were listened to two songs that were at some point number one in 2025. We listened to Charlotte Cardin with Feel Good, then Florent Pagny with T'aimer Encore from his album Grandeur Nature, and just now was Marine with Cœur Maladroit, or Clumsy Heart, with the main song. And there's only five more minutes, so I think we'll be able to listen to a song, maybe two. We're going to listen to Luan with her song Maman, who was in competition in the Eurovision songs, which I'm not watching anymore because of Israel participation, but that's a different story. And then maybe Aurel San with Ailleurs. Otherwise, I'll be back next week. Next week, we'll talk about more of 2025, but more about the events and some of the songs about artists that passed. And the week after that, it's going to be a special Active Voice, and our show will be about immigration, and we'll have an immigration lawyer with us, so it should be fun. The songs are fun, too. So, all right, on y va. And good night, and stay safe, and stay away from ICE. On the ground and on the road. Y a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé. J'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman. Tu me tenais la main.